plaisir, joie, bonheur, et puis quoi encore? Les expériences les plus positives de la vie humaine ont plusieurs mots pour les distinguer, et cela dans toutes les langues. On dit d'ailleurs que l'anglais en a un nombre absolument incalculable. En français, au moins, il y a ces trois termes, et puis il y en a d'autres. Il y a le plaisir, la joie et le bonheur, et il y a aussi, plus fort encore, si j'ose dire, dans une sorte de surenchère qui manifeste quelque chose d'un problème philosophique très profond. Par exemple, on parle aussi de la béatitude, qui semble être un terme mystique ou religieux, mais qui désigne quelque chose de suprême, une béatitude, dit-on, éternelle, suprême, et peut-être même que cela ne nous suffirait pas tout à fait. Que signifie cette surenchère? Quelle est cette question? Quelle inquiétude aussi manifeste-t-elle et quel désir? De fait, il y a là un désir et une inquiétude qui tiennent peut-être à ce premier petit mot, le plus simple de tous, celui qu'on laisse passer sans y faire attention, le plaisir qui nous porte plus loin, mais peut-être dans les deux sens. Qu'est-ce que c'est en effet que le plaisir? Le plaisir, c'est tout simplement la rencontre d'un être qui souffre de quelque chose, peut-être d'un manque, avec un autre être qui vient combler ce manque et satisfaire en quelque sorte ce besoin. Si nous avons soif et que de l'eau vient à nous se trouver en contact avec la partie de notre corps qui la recherche, qui y aspire avec une souffrance de plus en plus vive, eh bien nous disons que nous ressentons un plaisir. Le plaisir, sur ce modèle-là, c'est toujours la satisfaction de quelque chose, la satisfaction d'un besoin. Peut-être que le plaisir ne peut se penser que comme la réponse à une douleur. En tout cas, c'est un contact positif entre un être extérieur à nous et nous comme être vivant. Le désir, c'est donc cette rencontre. Eh bien, d'une certaine manière, nous voulons plus encore. Nous appelons joie la rencontre avec un être qui vient combler absolument toutes nos aspirations et parfois par surprise. Parfois, nous ne savions même pas que nous désirions quelque chose. Par exemple, quand nous rencontrons quelqu'un dont nous tombons amoureux ou même quand nous retrouvons quelqu'un que nous avions oublié, nous disions « Quelle joie de te voir !» et nous avions même oublié ce besoin. Et la joie, en tout cas, dans toute la tradition philosophique, c'est ce qui vient répondre aux aspirations les plus profondes de notre être et qui nous révèle même les aspirations les plus profondes de notre être. Par exemple, chez Spinoza, la joie est forcément intellectuelle et nous révèle dans l'amour intellectuel des dieux la nature de notre être qui est avant tout esprit. Dites-moi quelle joie vous pensez, je vous dirai quelle métaphysique vous avez. Mais dans ce plaisir, il y a aussi une inquiétude, une fragilité et le terme de bonheur avec sa part de fortune, de hasard, sa dimension temporelle, ce HEUR qui désigne le hasard mais qui désigne aussi la temporalité, nous marque la fragilité de l'objet de notre désir et de notre plaisir. Il y a dans le bonheur une dépendance vis-à-vis des circonstances. Il ne dépend pas de nous entièrement, pas plus que le malheur. Peut-être que le plaisir contient donc à la fois les secrets de notre être et aussi les mystères et les fragilités de notre condition, que ça n'est pas un hasard si nous le prolongeons dans l'expérience absolue de la joie et dans les risques aventureux du bonheur et du malheur. C'est une boussole pour notre existence. Veillons à nous y reporter.